13e chapitre, Pontcroix. Quelques jours après ces événements, Kérolin, Dugranec et le capitaine Magence quittèrent Quimper, emportant avec eux les remerciements de la ville entière. Depuis son double échec, la Fontenelle était demeurée dans son île, en proie à la colère et au désespoir. Pendant plusieurs semaines, il se tint renfermé dans sa chambre, ne voulant voir personne et maudissant la lâcheté de ses soldats. De Romard conçut un si grand dépit de la déroute de Quimper qu'il voulut rendre son épée à son capitaine, mais celui-ci, à force de prières, parvint à le fléchir et à le ramener à lui. Il y avait environ un mois que la Fontenelle était plongée dans cette espèce de tristesse qui apporte avec elle le dégoût de la vie et des choses de ce monde, lorsqu'un matin, en contemplant la mer, il fut assailli par une foule de pensées qui vinrent le retirer de l'état d'inertie dans lequel il languissait. Il se demandait ce qu'il ferait si le roi venait en Bretagne pour punir ceux qui avaient refusé de le reconnaître. Oserait-il bien lui résister avec ses pusillanimes soldats et encourir sa colère au risque de ne pouvoir plus espérer de pardon ? Il prévoyait aussi que Mercœur serait contraint prochainement de faire sa soumission. Après l'abandon de ce puissant allié, il ne lui resterait donc plus qu'à mettre bas les armes et à licencier sa compagnie. Alors, découragé par ses réflexions, il songea à abandonner Douarnenez, à renoncer à sa vie de partisan et à aller vivre tranquillement dans sa terre de la Fontenelle. Mais tout à coup, ses idées prirent une autre direction, en portant ses regards sur ses soldats qui, sous le commandement de la Boule, se livraient aux exercices militaires en usage à cette époque. En considérant les traits durs et sauvages de tous ces aventuriers avec lesquels il avait obtenu tant de succès, au cliquetis de leurs armes, il sentit se rallumer en lui son ancienne ardeur guerrière avec tous ses instincts de cruauté. Alors ses projets pacifiques s'évanouirent et il ne pensa plus qu'au pillage et à la vengeance. Soudain, il vint à se rappeler la trahison de Leclou et l'image de Dugranec se dressa devant lui. « Non, pas de soumission au roi !» se dit-il avec fureur. « Il faut auparavant que je me venge du mortel affront que j'ai essuyé à Quimper, et ce sera sur Pontcroix, où dernièrement encore 6 de mes gens ont été condamnés à mort et exécutés par l'ordre de la ville Rouault, chef de la milice de cette ville. » En effet, quelques jours auparavant, plusieurs ligueurs rôdant dans ses environs s'étaient laissés surprendre et avaient été faits prisonniers avec la Boule qui les commandait. Celui-ci et 2 des siens, grâce à la vitesse de leurs chevaux, étaient parvenus à s'échapper et à regagner Douarnenez. La ville Rouault, qui depuis longtemps avait à se plaindre de la Fontenelle, fit sur-le-champ mettre à mort les 6 prisonniers qui lui furent amenés. À ce souvenir, l'œil en feu et la respiration haletante, Guy Héder s'élança hors de sa chambre et donna ordre de faire monter son lieutenant la Boule. « La Boule !» lui dit-il quand celui-ci fut en sa présence. « Je veux aujourd'hui même que les habitants de Pontcroix sachent ce qu'il en coûte de livrer mes soldats au bourreau et que cette ville, avec toutes les richesses dont elle est remplie, m'appartienne comme Pinmar. J'ai résolu de la livrer au pillage si toutefois je puis encore me fier au courage de ceux qui marchent sous ma bannière. » « Je réponds d'eux, » dit la Boule avec une joie féroce, « et malgré la pusillanimité qu'ils ont montrée à Quimper, je suis certain que, cette fois, ils feront leur devoir et qu'ils sauront venger d'une manière éclatante la mort de leurs compagnons. Quant à moi, capitaine, jamais nouvelle ne m'a été aussi agréable que celle que vous m'annoncez. » En achevant ces mots, la Boule se retira et se mit sur le champ à s'occuper des préparatifs nécessaires pour cette expédition. « Ah, monsieur de Saint-Luc !» murmurait la Fontenelle quelques instants après en montant à cheval. « Pourquoi donc m'avez-vous relâché ? C'est à Pontcroix à me rembourser la rançon que je vous ai payée. » Et soudain, un sourire d'orgueil vint effleurer ses lèvres pâles et frémissantes. Lorsque sa troupe fut prête à se mettre en marche, il s'élança sur la route de Pontcroix, laissant le commandement de son fort à De Romard. La journée paraissait devoir être magnifique. Une brise légère qui venait de se lever ridait la surface des eaux bleuâtres de la baie de Douarnenez, et déjà une lueur rose commençait à poindre du côté de l'Orient. Malgré les précautions prises par la fontenelle, cependant ses projets furent découverts, et les paysans des environs, saisis d'effroi, sonnèrent le tocsin pour répandre l'alarme. La plupart d'entre eux se réfugièrent dans Pont-Croix, qui n'était fermé par aucune muraille et se trouvait dépourvu de toute espèce de fortification. C'est pourquoi, aussitôt leur arrivée, ils se mirent à élever des barricades et essayèrent de se retrancher le mieux possible. Si malheureusement ils se voyaient forcés dans leur retranchement, leur dernier espoir était de se jeter dans l'église paroissiale de Notre-Dame de Roscudon et de s'y défendre en désespéré. Il était près de midi quand les ligueurs arrivèrent en vue de Pont-Croix. La chaleur était alors très forte et le soleil brillait avec éclat sur les toits phosphorescents des maisons. Quelques petits nuages blancs, chassés par la brise, couraient çà et là dans le ciel. « Tenez !» s'écria la fontenelle en montrant à ses soldats la ville dont ils n'étaient plus qu'à une petite distance. Voyez-vous ce plateau pittoresque, et plus loin sur ce monticule, ces maisons qui descendent jusqu'à la mer? Eh bien, c'est Pont-Croix. Une fois encore, dans votre vie, souvenez-vous de Pinmar et de Plogastel. Faites en sorte que j'oublie aujourd'hui vos défaites de Quimper. Le tocsin dont les sons lugubres arrivent jusqu'à vous est une preuve de l'effroi que cause votre présence dans ces campagnes. Songez enfin que vous avez à venger ici vos compagnons, condamnés à mort par la ville Rouault. À peine ces mots furent-ils prononcés que les ligueurs, exaltés et brûlants de se relever dans l'esprit de leur capitaine, se mirent en marche et ne tardèrent pas à se rendre maîtres des premières barricades élevées par les paysans et les bourgeois. « Aux armes ! Aux armes ! » s'écriaient ces malheureux pleins d'épouvante. « Vite aux fortifications ! Voici la fontenelle ! À l'église de Roscudon ! » criaient quelques autres en prenant la direction de cette paroisse. Presque tous ceux qui voulurent résister reçurent la mort dans cette première attaque. Quelques-uns qui purent se sauver à travers champs coururent se cacher dans les bois les plus épais qu'ils trouvèrent.